Just a dream. I'm fed up with le plus bizarre que j'ai fait. Descendu l'escalier, 4 à 4 pour te retrouver. C'est vrai que l'allure d'animé, c'est l'allure de tout le quartier. Tu sais, tu es mon être parfait, mon double expresso, mon empête. Tu m'as vu, tu m'as vu, tu m'as vu, tu m'as vu, reconnu la toc attitude. Tu es venu, tu es venu, en tutu, en tutu, décidé de grande aventure. Mâcher ces mots, fâchez-moi, fâchez-toi, chasser l'ego, pourquoi qui, pourquoi faire. L'alter ego, tes choix c'est top de Mac, t'es l'hyperbole ou moi le tout entière. J'mets la flûte enchantée, c'est le bal le mieux pour danser. Crever la gade à fatiguer, mais monter de joie plein la tête. Tu lis les fleurs du mal aimé, c'est le livre le mieux pour l'été. Yeah, yeah. Tu es mon maître à penser, mon maître à faire des galipettes. Lâchez ces mots, lâchez-moi, lâchez-toi. Chasser l'ego, pourquoi qui, pourquoi faire. La terre ego, tes choix c'est top de Mac, t'es l'hyperbole ou moi lui tout entière. Mâcher ses mots, mâchez-moi, mâchez-toi. Chasser l'ego, pourquoi qui, pourquoi faire. La terre ego, tes choix c'est top de Mac, t'es l'hyperbole ou moi lui tout entière. Bye. des pistons. Barcelone fait-lui bien comprendre qu'elle se trompe, quel qu'en soit le mois. Elle se trompe, car elle est comme toi, un chat.

Youpi de. Je suis sur la...